Activité 6, page 23. Piste 16. A. Ce plat vient de Lyon. C'est un plat lyonnais. B. C'est une question de goût. C'est un questionnaire sur les goûts.